إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 3 dans l'explication du livre Fadl al-Islam avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. On est arrivé aujourd'hui au chapitre Babun ad-Dukhul fi al-Islam, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'entrée dans l'Islam. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence par deux versets qu'il cite. Le premier verset, c'est le verset 85 dans Surat Al-Imran, et le deuxième verset, c'est le verset 19 dans Surat Al-Imran. Donc, il dit « قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام » C'est-à-dire le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Quiconque recherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. » Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième verset, c'est le verset qui dit que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a agréé, c'est l'islam. Et le Cheikh Al-Fawzan explique ces deux versets. Il dit, قال رضي الله عنه باب الدخول في الإسلام. لما ذكر فضل الإسلام ذكر الترغيب في الدخول فيه. فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وأن لا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه. Donc le Cheikh explique en commençant. Il dit que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il met comme titre à ce chapitre un chapitre au sujet du fait d'entrer dans l'islam. Donc le Cheikh dit que, étant donné que dans le premier chapitre, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, rahimahullah, les mérites qu'il y a dans le fait d'entrer dans l'islam, maintenant, dans ce chapitre, il va montrer ou donner des exemples de choses qui nous incitent à rentrer dans l'islam. Il a montré les mérites de l'islam, maintenant il nous incite à rentrer dans l'islam. Donc l'islam, tel qu'il est venu avec les particularités que l'islam possède, qu'on a mentionnées au dernier cours, dans les deux premiers cours, avec les mérites et l'excellence que l'islam possède, eh bien, quelqu'un qui possède un minimum de raison ne peut pas le rejeter. Il ne peut pas le refuser. Il ne peut pas refuser d'entrer dans cette religion-là s'il veut le salut pour lui-même. Hein? Et ça, c'est logique. Comme le Cheikh il dit, quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, un minimum de raison, il voit les particularités qui existent dans l'islam, il voit l'excellence et le mérite qui existe dans l'islam, il ne peut pas refuser d'entrer dans cette religion-là. Et ça, vous demandez à n'importe quel kafir, n'importe quel mushrik, après lui avoir expliqué l'islam, le tawhid, et les trois catégories de tawhid, après lui avoir expliqué les piliers de la foi, après lui avoir expliqué les piliers de l'islam, vous lui demandez, est-ce que vous avez quelque chose contre ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce que je vous ai mentionné qui fait que vous ne pourriez pas accepter l'islam et vous voyez que les gens répondent que tout ce qu'on a mentionné, ils l'acceptent. Hein, et qu'ils sont d'accord avec ça. Donc par la suite, tu te demandes, mais comment par la suite pourraient-ils ces gens-là refuser d'accepter l'islam alors qu'ils sont tous d'accord avec les fondements même de cette religion-là et les règles de l'islam. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite, « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ عَلَى دِينٍ وَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَيَأْبَوْنَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسُوا عَلَى دِينٍ لِأَنَّهُمْ عَلَى دِينٍ مَنْسُوخٍ انْتَهَى الْعَمَلُ بِهِ فَلَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا لا يفيدهم إلا الدخول في الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le cheikh explique ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, on a mentionné deux versets dans l'introduction de ce cours. Le premier verset qu'on a mentionné, c'est quiconque recherche autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Le cheikh il dit, ceux qui disent qu'ils sont sur une religion aujourd'hui, et qui prétendent connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala parmi les juifs et les chrétiens, et qui refusent d'accepter et d'entrer dans l'islam, alors ceux-là n'ont pas de religion en réalité. Ils sont sur aucune religion. Pourquoi? Parce que la religion qu'ils pratiquent, la religion qu'ils suivent, est une religion qui a été abrogée par l'islam. Elle a été terminée par l'islam. Et donc, il n'est plus possible maintenant de la pratiquer, ou il n'est plus permis aujourd'hui de le pratiquer ou de l'appliquer. Et donc, ça ne leur sert à rien du tout de pratiquer ces religions-là et de suivre ces religions-là. Et la seule chose qui peut leur profiter en quoi que ce soit, c'est d'entrer dans l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ça de façon claire et explicite dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu dans Sahih Muslim. Et ce hadith-là, il dit quoi? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure. Il dit, je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main. C'est-à-dire, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui tient mon âme en sa main, qu'il n'y a aucun de cette umma parmi les juifs ou parmi les chrétiens qui entend parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu aux hommes, excepté qu'il sera du nombre des gens de l'enfer. Donc ça veut dire que un juif ou un chrétien aujourd'hui qui entend parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui entend parler de l'islam, et puis il meurt sans accepter l'islam, alors il sera du nombre des compagnons ou des gens de l'enfer. Ça, c'est un hadith clair. Ce hadith-là, il est clair sur le fait qu'il n'y a pas d'autres religions qui vont être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, excepté l'islam. Maintenant, la notion que les koufars possèdent aujourd'hui en général au sujet de la religion, ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est inventé par un homme. Que c'est inventé par les êtres humains. Donc quand quelqu'un, par exemple, leur dit « la religion de l'islam, c'est la seule vraie religion et c'est la seule que Allah va accepter », pour eux, ils s'imaginent que toi, tu es en train de dire des choses, dans le sens que tu défends ta religion, parce que toi-même, tu fais partie de cette religion-là. Donc ils se disent « toi, tu dis que l'islam est la meilleure parce que toi, tu es musulman. Les chrétiens disent que leur religion est meilleure parce qu'ils sont chrétiens. Les juifs disent que leur religion est meilleure parce qu'ils sont juifs, ainsi de suite. » Hein? Et si c'était juste une question de prétendre, hein, et de dire quelque chose comme ça, eh bien, n'importe qui, comme ils disent, n'importe qui pourrait prétendre quoi que ce soit, hein, n'importe qui pourrait prétendre n'importe quoi, et il n'y aurait aucun moyen de vérifier ou de comprendre est-ce que c'est vrai ce qu'ils prétendent ou est-ce que c'est faux. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pourvu d'une raison, d'une tête, d'un cœur pour réfléchir. Il nous a fourni également avec des prophètes et des messagers et des révélations pour nous guider. Il nous a expliqué les preuves de la vérité et les arguments et les références pour comprendre et pour distinguer entre ce qui est vrai et faux. Donc c'est pas vrai comme que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prétendent lorsqu'ils disent tout le monde prétend avoir la vérité, donc ça veut dire qu'on peut pas savoir qui a raison, qui a pas raison. Quand il y a plusieurs personnes qui sont en train de prétendre des choses contradictoires, ils ne peuvent pas tous avoir raison en même temps. Ça c'est impossible. C'est une contradiction en soi. Si quelqu'un dit, par exemple, que Jésus est fils de Dieu, ou qu'il est Dieu incarné, et qu'il est mort et crucifié, qu'il était Dieu lui-même, des choses comme ça, ça c'est ce que certains prétendent parmi les chrétiens par exemple. Les juifs, eux, ils disent c'est un faux prophète, c'est un enfant qui est né en dehors du mariage, qui est illégitime, donc ils accusent Mariam d'avoir commis le zina. Et ils disent tout ça d'autres choses comme ça. Ça, c'est ce que prétendent les Juifs. Et maintenant, il y a les musulmans qui disent que non, c'est pas Dieu, c'est pas fils de Dieu, il est pas, il a aucune part de divinité en lui. C'est un être humain, comme tous les autres, excepté que c'est un prophète. Et il n'est pas né d'un mariage illégitime, il est né par un miracle. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé de cette manière miraculeuse, comme une preuve de sa toute-puissance et comme un signe et un test pour l'humanité. Maintenant, on voit que c'est trois positions différentes et contradictoires. Les trois ne peuvent pas être vraies en même temps, parce que chacune d'elles annule l'autre. Et donc, pour être capable de savoir laquelle d'entre ces trois-là dit la vérité à ce sujet-là, eh bien, il faut analyser les preuves et les références et les arguments et voir où se tient la vérité par la suite. Maintenant, celui qui dit la vérité, on va le reconnaître tout de suite. Et celui qui transgresse, qui déforme la vérité, on va pouvoir tout de suite le reconnaître également. Et donc, c'est faux de dire, comme certains parmi les gens d'aujourd'hui disent, que tout le monde a raison, que toutes les religions sont bonnes, et qu'il faut s'unir, que toutes les religions doivent former une seule. Ça, c'est un mensonge, c'est une fausseté. La preuve, c'est que les trois sont contradictoires. Ne peuvent pas être vrais en même temps. Puis, il y a ceux qui nient complètement ou absolument qu'il y ait une vérité et qui disent que tout ça c'est inventé par l'homme et des choses de ce genre. Et ça c'est encore plus absurde puisque ces gens-là sont en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé sans guidance. Il a créé ce monde sans aucune sagesse et sans aucun but et sans aucun objectif. Et donc ça c'est d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala de faire des choses inutilement ou de faire des choses sans sagesse et d'attribuer des faussetés et des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est encore plus absurde. Et entre ces deux positions extrêmes, il y a la vérité, c'est-à-dire que ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de dire que c'est lui le maître, c'est lui le créateur, c'est lui qui a envoyé tous les messagers à l'humanité, c'est lui qui a envoyé les livres, et tous les prophètes qu'il a envoyés sont des êtres humains, ils n'ont aucun droit à l'adoration, on n'a pas le droit de les adorer, on n'a pas le droit de leur attribuer la divinité ou la connaissance de l'invisible ou des choses de ce genre. Ils ne sont que des transmetteurs du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et également ils ont fait des miracles, Allah leur a donné des capacités et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples pour comprendre que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ceux qui, parmi les juifs et les chrétiens aujourd'hui disent qu'ils ont entendu parler de l'islam puis ils le rejettent, alors ceux-là, bien entendu, s'ils meurent dans cet état-là, ils sont parmi les gens de l'enfer. Maintenant, il mentionne un autre hadith aussi. Et ce hadith-là, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, également selon Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute ma umma va rentrer au paradis, excepté celui qui refuse. Donc, tout le monde rentre au paradis dans la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté celui qui refuse d'entrer au paradis. Donc les Sahaba ont demandé au messager d'Allah qui refuserait d'entrer au paradis. Qui dans ta umma va refuser d'entrer au paradis? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est logique que quelqu'un dise « Non, moi je ne veux pas rentrer, je refuse d'entrer au paradis » Hein? Tout le monde veut rentrer au paradis. Donc les Sahaba ont posé la question « Comment quelqu'un pourrait refuser ?» Et on voit que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une grande sagesse. Parce que dans cette parole qu'il a dit, c'est quelque chose qui nous fait tout de suite réagir. Tout de suite qui nous fait poser la question, comment quelqu'un pourrait refuser? Hein? Imaginez qu'on est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette parole-là. Qu'est-ce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit? Tout le monde va rentrer au paradis dans ma umma, excepté celui qui refuse. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est, mais qui va refuser? Hein? Qui pourrait refuser? Et c'est exactement la question que les sahaba ont posé. Ça prouve que les sahaba c'était des gens éveillés, que c'était des gens qui aimaient le bien et qui voulaient savoir le bien. Parce que quelqu'un qui ne veut pas savoir ou qui n'est pas intéressé, il va même pas poser la question, il va se préoccuper d'autre chose. Mais s'il pose la question, ça prouve qu'il est attentif, hein, ça prouve qu'il a un intérêt pour savoir ces choses-là et donc il pose la question. Et le prophète ensemble a clarifié justement. Il a dit, celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. Donc en fait, c'est une question de choix. C'est toi qui décides si tu veux rentrer au paradis ou si tu ne veux pas rentrer. Si tu veux rentrer au paradis, c'est simple, tu as juste à obéir au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que tu refuses, c'est lorsque tu as désobéi. Donc, lorsque tu désobéis au messager, c'est-à-dire tu as refusé de rentrer au paradis. Donc, ça c'est pour nous inciter à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ دِينًا عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَجِيءِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْقَ دِينٌ يَقْبَلُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ لِأَنَّ الْإِنسَانَ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ يُطِيعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فيما أمره به والله أمرك أن تدخل في الإسلام يجب عليك الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل لأن الواجب اتباع الأمر لا اتباع الهوى فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك دونك il dit فتقبيل الحجر ليس عبادة للحجر وإنما هو عبادة لله والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وعبادة له فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه ولا اعتراض على ذلك فقد اعترض إبليس على أمر الله فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب والعياذ بالله le cheikh explique, il dit que ensuite, le cheikh il mentionne l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam et d'autres, en ce qui concerne les autres religions alors elles ne sont pas des religions pour Allah subhanahu wa ta'ala. La seule religion qui existe et qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il dit parce qu'après la venue de l'islam, tout ce qui était auparavant, hein, il n'est plus valable, il n'est plus accepté. Allah subhanahu wa ta'ala accepte uniquement de ses serviteurs l'islam maintenant. Il dit, l'an l'insan abd. Parce que l'être humain, il est un esclave d'Allah, il est un serviteur d'Allah. Et l'esclave, il obéit à son Seigneur, dans ce que son Seigneur lui a ordonné de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'entrer dans l'islam. Alors il est obligatoire pour toi d'entrer dans l'islam par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'obéissance pour toi, c'est de suivre l'ordre et non de suivre ta passion. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsque il a embrassé la pierre noire, hein, il a dit par Allah, je jure par Allah, hein, il dit je sais que tu n'es qu'une pierre. Il a dit ça devant les gens, pour que les gens l'entendent. Il a dit par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux pas me nuire et tu ne peux pas me profiter. Et si ce n'était pas du fait que j'ai vu le messager d'Allah qui t'embrassait, je ne t'aurais jamais embrassé. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Omar. Ça c'est pour dire que Omar ibn Khattab est en train de clarifier aux gens qui sont là que cette pierre noire, même si on l'embrasse, c'est pas pour adorer cette pierre noire. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui nous a ordonné de le faire, et parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré ça. Mais elle n'a aucun pouvoir, elle-même ne peut pas te nuire et elle ne peut pas te profiter. Et c'est pas obligatoire de l'embrasser non plus. Si tu ne peux pas le faire, t'es excusé, c'est pas une obligation. Hein? Donc ça c'est pour nous faire comprendre. Et ensuite, il dit, donc le fait d'embrasser la pierre, ce n'est pas une adoration pour cette pierre, c'est uniquement une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même que de faire le tawaf à la Kaaba, quand on fait le tawaf autour de la Kaaba, ce n'est pas une adoration pour la Kaaba elle-même, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on le fait dans le but d'implémenter le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui est dans l'islam, comme question, ça tourne toujours autour de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous. Et il n'y a pas, on n'a pas à s'objecter ou à contester quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et Iblis, hein, le shaitan, il s'était objecté, il s'était opposé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Et qu'est-ce que ça a été la conclusion? La conclusion et la destinée, disons, la conclusion de Iblis et son sort a été qu'il a été rejeté, éloigné, maudit et il a reçu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'il a refusé d'accepter l'ordre d'Allah et de se soumettre. Que Allah nous préserve. Donc tout ça, ça vient nous expliquer en fait que le principe de l'islam c'est basé sur le fait de se soumettre à Allah et d'obéir à Allah et de comprendre que la question de la religion il est basé sur l'ordre d'Allah et qu'on suit l'islam parce que Allah nous ordonne de le faire et qu'on ne suit pas le christianisme ou le judaïsme parce qu'il nous a interdit de le faire à partir du moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et que Allah a révélé le Coran, donc maintenant les révélations précédentes n'ont plus le droit d'être suivies. D'accord? C'est uniquement maintenant l'islam qui est valable. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça répond à tous ceux qui prétendent, par exemple, que, bon, les religions, ils prétendent que ça vient des hommes et que on peut pas juger ou distinguer entre les différentes religions, laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie. Ça, c'est faux. De dire ça, c'est faux. Et il y a un des meilleurs exemples pour montrer justement à ces gens-là que c'est faux, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à un peuple qui ne faisait partie ni des juifs, ni des chrétiens. Hein? Il est venu à la base à un peuple de mushrikines qui n'avait pas reçu de livre précédemment. Et il les a, disons, il a débattu avec eux, il a argumenté avec eux, il leur a donné des preuves et des arguments, il a réfuté leur shubuhat, malgré que c'est des gens qui n'avaient pas de livre précédemment. Il s'est basé sur des choses, hein, des points bien spécifiques pour les contrer et pour montrer la fausseté de leur croyance et la fausseté de leur religion sur des points qu'il y avait en commun. Dans le sens que les mouchriquins, même les mouchriquins à l'époque du prophète Sallam à Mecca, ils étaient d'accord avec l'existence d'Allah, ils étaient d'accord avec Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la création, et dans le fait que Allah est le maître, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir, qui est le maître de toutes choses. Donc il s'est concentré sur ce point-là pour les appeler à l'unicité d'Allah dans l'adoration, le fait de croire en Ar-Rububiyya. Il a utilisé ça comme un argument contre eux pour les contredire dans l'adoration des idoles et pour leur montrer que le fait d'adorer ces idoles-là, c'est quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'ils prétendent de croire en Ar-Rububiyya. Parce que comment tu peux dire, tu dis avec ta bouche, oui je crois que Allah existe, oui je crois que c'est lui qui est le Tout-Puissant, oui je crois que c'est lui qui a tout créé, les cieux et la terre, et que c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses, et qu'il n'y a rien qui peut nuire, ou qui peut profiter, excepté par lui et par sa permission. Hein? Tu dis tout ça, et tu acceptes tout ça, puis par la suite tu t'en vas adorer d'autres que lui. Ça c'est une contradiction. Et donc il les a débattus sur ce point-là, et il les a appelés au tawhid par ce point-là, et par d'autres arguments aussi. Donc tout ça c'est pour nous montrer que il y a toujours une référence, il y a toujours un moyen, lorsque tu veux débattre contre un mouchrik, ou contre un kafir, ou contre un juif, ou contre un chrétien, il y a toujours des points de repère sur lesquels tu peux te baser pour les contredire et pour leur montrer la fausseté dans leurs croyances et dans leurs idées, et pour les ramener à l'unicité d'Allah et au tawhid, hein, et à la foi en le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il dit, وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال مجاهد السبل البدع والشبهات. Donc le cheikh il mentionne le verset 153, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne le verset 153 dans surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits chemins qui vont vous diviser de son chemin, ou de son les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. Et le cheikh ensuite il cite les paroles d'un des grands savants de tafsir, l'élève d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui s'appelait Mujahid. Et il a expliqué que les différents sentiers, à Subul, dans ce verset, signifiaient les innovations, les bid'ah et les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés, les doutes que les gens essaient de lancer au sujet de la foi, au sujet de l'adoration, au sujet de ces choses-là. Donc le cheikh, il explique, le cheikh Al-Fawzan, il explique ce que ça signifie. Il dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا الصِّرَاطُ هُوَ الطَّرِيقُ والمراد به هنا الإسلام وهو صراط الله عز وجل وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف وإنما هو معتدل لا إفراط ولا تفريط فاتبعوه لا تتبعوا دينا غير هذا الدين ولا تتبعوا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا صراطي وهو سبيلي. Donc le cheikh explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, as-sirat en arabe c'est la voie, le chemin. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire l'islam. Et il dit donc que l'islam c'est le chemin d'Allah et c'est la voie droite dans lequel il n'y a pas de, disons, de courbe ou bien de déviation. C'est un chemin qui est droit et qui est juste. Il n'y a pas d'extrême ou d'exagération d'un côté ou de l'autre, ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Hein? C'est la voie droite. Ensuite, il dit, et suivez-la. Alors donc, suivez-la. Et donc, il dit, ne suivez pas d'autres religions que cette religion-là. Ne suivez pas d'autres religions que l'islam. Et ne suivez pas d'autres sunnas que la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà mon chemin voilà ma voie. Il dit ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تأمل سبيل الله واحدة صراط واحد وأما غير سبيل الله فهو سبل كثيرة حب الأهواء حب الشهوات كل له طريق كل له سبيل كل له مذهب والنهاية الخسارة فتفرق بكم عن سبيله أما من سار على هذا الطريق الواحد فإنه ينجو عند الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الإسلام وترك ما سواه من النحل والبدع والمذاهب والفرق كلها تؤدي إلى الهلاك. Le Cheikh dit donc, ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin, qui vont vous faire dévier de son chemin droit. Donc, méditez bien comme il faut sur le terme qui est utilisé dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « هَذِهِ سَبِيلِي » C'est-à-dire, « Voici ma voie droite. » Et en fait, donc, « وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا » Pardon. « وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا » Donc, ça veut dire que le chemin qui est mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là, que c'est un chemin, ce chemin d'Allah, c'est un chemin unique. Il est au singulier. Sirat. Et sirat, c'est un sirat. Hein? Et il dit, en ce qui concerne les autres voies, les voies qui ne sont pas les voies d'Allah, elles sont mentionnées au pluriel. Hein? Subul. C'est le pluriel de sabil. Hein? Donc ça veut dire que le chemin d'Allah, il est un chemin unique. Les chemins d'autres que le chemin d'Allah, les chemins d'égarement, sont multiples, sont pluriels, sont nombreux. Hein? Donc, ça vient encore une fois réfuter tous ceux qui aujourd'hui prétendent qu'il y a un genre de pluralisme dans l'islam et qu'il faut accepter la division et les différentes sectes. Hein? On voit ça encore clairement dans ce verset-là. C'est pas pour rien que Allah utilise le singulier pour son chemin et qu'il utilise le pluriel pour les chemins d'égarement. Parce que le mensonge est nombreux et multiple. Mais la vérité, elle est unique. Hein? Et la même chose pour quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, yani, quand il mentionne le secte qui sera sauvé, il mentionne que c'est Al-Jama'a. Et toujours, il mentionne le terme Jama'a au singulier, jamais au pluriel. Et ça vient réfuter tous ceux aujourd'hui qui appellent à des jama'at, différents groupes. Non, il n'y a qu'un seul groupe, qui est le groupe d'Allah, c'est celui qui suit le sentier d'Allah. Hein? Et donc, il mentionne, le Cheikh, il dit, les sentiers, autres que la voie d'Allah, sont multiples, sont nombreux. Il mentionne des exemples, l'amour de la passion, l'amour des désirs, hein. Chacun, ils ont leur voie. Puisque les passions sont multiples, les désirs sont multiples, mais la vérité, elle est unique, hein. C'est comme si, par exemple, tu vas mentir, hein, à tes parents, ou à l'école, ou à ton professeur, ou à ton directeur, ou je sais pas quoi, à ton patron. Si tu dis la vérité, t'as juste une seule possibilité de qu'est-ce que tu vas dire à ton patron, ou à tes parents, ou à ton directeur. Tu peux juste lui dire une seule chose. S'il te demande où est-ce que tu étais, ou pourquoi tu étais en retard, ou bien qu'est-ce qui est arrivé, si tu lui dis la vérité, c'est juste une histoire que tu vas lui raconter, une seule chose. Et s'il te demande mille fois de te répéter la raison, tu vas toujours lui répéter la même chose parce que tu lui as dit la vérité. Mais si tu lui mens, il y a une quantité infinie de réponses que tu peux lui donner. Tu vas lui donner n'importe quelle réponse qui va être contraire à la vérité, et puis tu peux changer même à chaque fois. Et même parfois tu vas mentir, tu vas oublier que tu as menti. Walaykum salam Rasulullah. Tu vas oublier que tu as menti, alors tu vas raconter quelque chose de contraire à ce que tu avais dit la première fois. Et la deuxième fois, tu dis quelque chose contraire à la hein, ainsi de suite. À chaque fois, tu inventes une nouvelle histoire. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les menteurs, souvent, quand ils font des témoignages lorsqu'il arrive quelque chose. Hein. Chaque fois qu'ils racontent l'histoire, ils rajoutent ou ils enlèvent. Et puis, ils changent l'histoire complètement, des fois. Oui, ça aussi. Dans la Bible, tu vois des contradictions entre chaque version ou en chaque évangile ou des choses de ce genre. Donc, ça prouve qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Donc, pourquoi on dit ça? Parce que c'est pour montrer que la vérité, elle est toujours unique. Et le mensonge, il peut être nombreux, multiples. Donc, le cheikh, il dit que, à la fin, disons que la conclusion de ces différents sentiers-là qui s'éloignent du chemin d'Allah, la conclusion de tous ces sentiers-là, c'est la perdition. Et il mentionne, il dit, parce qu'ils vont tous vous faire dévier et vous diviser de son chemin, de son sabil. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ سَبِيلِهِ Le « ha » ici, c'est apporté pour dire que c'est le sentier d'Allah. Hein, « عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » سَبِيلِهِ, c'est le sentier de qui? Le sentier de qui? Le chemin de qui? Le chemin d'Allah. Il est unique. Après, il dit « أَمَّا مَنْ سَارَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ يَنْجُوْ عِنْدَ اللَّهِ » Celui qui suit ce sentier et cette voie unique, alors lui, il sera sauvé hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a dans ce verset-là l'ordre de suivre le chemin de l'islam et d'abandonner tout ce qui est en dehors de ce chemin parmi les différentes voies, les différentes innovations, les différentes sectes, les différentes tendances, les différents groupes, tous ces groupes-là et toutes ces choses-là amènent à la perdition, amènent à la perdition, à l'enfer en fait. Donc, ça, ça nous explique et ça nous clarifie une chose, c'est que si des gens, aujourd'hui, parmi les musulmans, prétendent qu'on peut appartenir à n'importe quel groupe ou à n'importe quelle secte et que ça n'a aucune importance et que l'important c'est qu'on se dise musulman sans tenir compte de nos divergences, alors que ces divergences-là sont dans les fondements de l'islam, dans la croyance ou dans les fondements de la sunna, alors il faut savoir que ce sont des gens qui appellent à l'égarement et qui appellent aux voies de l'enfer. Hein? Ça c'est très dangereux. Le cheikh il dit ensuite « وَقَالَ مُجَاهِدْ السُّبُلْ الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتْ البدع والشبهات هي من السبل التي تتفرق بأصحابها كل حزب بما لديهم فرحون وهذا من تمام العقوبة أن الإنسان يفرح بالباطل فإذا فرح بالباطل فلن يتركه أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه ولكن إذا صار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدا. Le cheikh il dit que Mujahid, qui était l'imam d'Abdullah ibn Abbas, qui était un des plus grands savants de tafsir, l'imam Mujahid, il dit que le terme subul, qui est mentionné dans ce verset, c'est-à-dire les différents petits sentiers, ça représente les innovations et le bid'ah, et ça représente également les shubuhat, les doutes et les ambiguïtés que les gens peuvent essayer de lancer hein, au sujet de la religion. Donc les innovations et les ambiguïtés et les doutes, c'est ça les voies et les sentiers qui éloignent les gens qui les suivent du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit dans le verset 53 dans Surat al-Mu'minun, chaque groupe se réjouit de ce qu'il possède. Kullu hizbin بما لديهم فرحون. Chaque groupe, il se réjouit de ce qu'il possède avec lui. Hein? C'est ça les gens de l'égarement. كل حزب بما لديهم فرحون. Ils se réjouissent. À partir du moment que ces gens-là se sont réjouis de ce qu'ils suivent, ça y est, c'est fini. Le cheikh, il dit, si quelqu'un, il sait, il dit ça fait partie du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit que lorsqu'un individu, il se réjouit de la fausseté qu'il est en train de suivre, il se réjouit du mensonge qu'il est en train de suivre, alors il ne va jamais l'abandonner. Parce qu'il s'est réjoui de ça, il est content. Hein? Il est sur l'égarement, puis il est content de l'égarement qu'il suit. Donc comment il va revenir? C'est ça l'attitude du Mubtadi. C'est ça la réalité de l'innovateur. L'innovateur, il suit l'innovation, la bid'a et l'égarement, il est content. Il est certain qu'il est sur la vérité, alors qu'il est sur l'égarement. Comment il va revenir? Comment il va abandonner cette innovation-là, puisqu'il pense que c'est ça la vérité? Donc ça, c'est un châtiment d'Allah pour cet individu-là. Et donc, puisqu'il s'est réjoui du mensonge, il ne va jamais l'abandonner. En ce qui concerne celui qui suit quelque chose de faux, il est sur quelque chose qui est faux, mais il ne se réjouit pas de ça. Parce qu'il est tombé dans cette fausseté-là par ignorance. Pas parce qu'il voulait l'égarement, ou pas parce qu'il a aimé l'égarement et qu'il s'en est réjoui. Il est tombé dedans parce qu'il ne savait pas que c'était un mensonge ou parce que c'était une fausseté. Et ensuite, on lui a expliqué, on lui a montré cet égarement-là, on lui a dit ça, c'est un égarement. Là, après, il est revenu. Hein? Il a abandonné cet égarement-là. Il ne s'est pas réjoui. Et donc, quand il a cherché la vérité, il l'a trouvé, il a été guidé vers cette vérité-là. Et il est devenu, convaincu de la vérité par la suite. Donc, celui-là, du moment qu'il n'était pas, il s'est pas réjoui du mensonge, alhamdulillah, il peut être guidé. Mais lorsque quelqu'un est devenu convaincu et qu'il est satisfait et qu'il s'est réjoui du mensonge, alors celui-là ne va jamais être guidé. Ensuite, le cheikh, il mentionne deux hadiths, hein, ou deux versions d'un même hadith qui est apporté selon Aïcha, radiallahu anha, au sujet de l'innovation. Il dit, « وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est dans ce hadith qui est rapporté selon Aïcha, radiallahu anha, il y a la réfutation de tout ce qui est inventé dans la religion, de tout ce qui est innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui est pratiqué comme innovation parmi les musulmans. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est de là que part toutes les divisions qui sont apparues dans l'islam. Toutes les divisions qui sont apparues dans l'islam sont arrivées à cause des choses que des gens ont inventées dans la religion. Soit dans la croyance, soit dans les pratiques. Hein? Et là, le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ça en détail. Le premier hadith, ou la première version du hadith dit, quiconque a inventé quelque chose dans notre religion, alors cette chose-là sera rejetée. Et dans la deuxième version de ce hadith, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, cette chose sera rejetée. Hein? Donc, ça nous informe du danger de l'innovation. Maintenant, le chef, il explique ça. Il dit, le chef Al-Fawzan, il dit, « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه. يعني مردودا عليه. لا يقبل عند الله. وقوله من أحدث في أمرنا أي أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا خير نقول له بل هذا باطل لأن الدين كامل كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تقبل في الإسلام الإضافات والزيادات والاستحسانات لأن الدين توفيقي إذن البدع كلها ليست من الإسلام وإن كان أصحابها يتقربون بها إلى الله ويظنون أن فيها أجرا لكنها ليس فيها أجر ولا تقرب من الله بل تبعد عن الله عز وجل. Le Cheikh explique que celui qui a inventé dans notre chose, hein, ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a inventé dans notre affaire, c'est-à-dire dans cette religion, ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Cette chose qu'il a inventée sera rejetée par Allah. C'est-à-dire, elle va être renvoyée sur lui. Elle va être retournée sur lui. Il n'aura pas la récompense, Allah ne va pas l'accepter. Et le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man ahdatha fi amrina », c'est-à-dire, celui qui a inventé quelque chose dans notre affaire, dans le sens qu'il a attribué quelque chose de nouveau à la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené. Et il a dit à propos de cette chose nouvelle, ça c'est un bien. Nous on lui dit, ça c'est faux, parce que la religion elle est déjà complète. Tu ne peux pas rajouter quelque chose dedans et tu dis, ça c'est islamique, ou ça, ça fait partie de l'islam, et quelque chose que c'est bon. Parce que la religion, elle est déjà complétée. Déjà à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était complet. Il manque rien dedans. Hein? Et il mentionne le verset 3 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé pour vous, j'ai parachevé mon bienfait sur vous, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, l'islam n'accepte pas des ajouts, des choses qu'on rajoute, des choses qu'on considère comme étant bonnes, alors qu'elles ne font pas partie de l'islam. Hein? Tu penses que tu peux te rapprocher d'Allah en faisant des choses que Allah n'a pas légiférées dans sa religion. Ça, c'est d'attribuer des mensonges à Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, comme le cheikh il le dit, elle est tawfiqi. Ad-din tawfiqi. Tawfiqi, ça veut dire quoi? Tawqifi. Ad-din tawqifi, c'est-à-dire, tu dois t'arrêter au texte pour comprendre ta religion. Tu dois t'arrêter à ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna pour comprendre ta religion. Et ça, c'est une chose qui vient en opposition et en contradiction totale avec la religion de ceux qu'on appelle les soufis aujourd'hui. Parce que les soufis, leur religion est basée sur ce que racontent leurs chouyours. Et sur ce que leurs chouyours prétendent avoir vu dans des rêves. Ou ce que leurs chouyours prétendent avoir vu, même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas dans un rêve pendant leur sommeil, mais même en état d'éveil, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient leur parler et vient leur révéler des nouvelles choses à propos de la religion. Donc ces gens-là, en réalité, qu'est-ce qui les distingue de ceux qui prétendent être des prophètes, des faux prophètes, et qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a aucune distinction en réalité, puisqu'ils sont en train de dire que même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils reçoivent des nouvelles informations à propos de la religion, des nouveaux enseignements à propos de la religion que les musulmans n'ont jamais connu depuis 1400 ans, ou bien depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran jusqu'à la venue de leur chef. Donc ça c'est d'attribuer à Allah un grand mensonge. Et de prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas complété sa mission, il n'avait pas transmis complètement la révélation. Donc, moi et le frère Michael, la semaine passée, on a eu un débat ou discussion avec un soufi, et on lui expliquait, il nous ramenait des choses comme ça de sa tête, et on lui mentionnait des exemples. On lui disait, mais c'est quoi la preuve de qu'est-ce que tu dis? La preuve que qu'est-ce que tu prétends là, c'est la vérité. Est-ce que tu peux nous ramener un verset dans le Coran où c'est marqué cette chose? Il n'a pas de verset dans le Coran. On lui dit, est-ce que tu peux nous ramener un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tiré des livres de hadith reconnus par les ulama de l'islam pour qu'on vérifie que ça c'est vrai ce que tu prétends? Un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim? Ou s'il n'est pas dans Al-Bukhari et Muslim qui sont les deux les livres de hadith les plus authentiques, peut-être que tu peux nous ramener de Abu Daoud, ou de An-Nasa'i, ou de At-Tirmidhi, ou de Ibn Majah, ou bien de Al-Muwatta de l'imam Malik, ou bien de la Musnad de l'imam Ahmad, ou bien de des autres livres de hadith qui sont reconnus parmi les livres de, des ulama de l'islam, comme Al-Mustadraf de l'imam Al-Hakim, et ainsi que d'autres livres de hadith parmi les livres qui ont été écrits par les imams d'Ahl-Sunnah. Donc, ramène-nous une preuve, ramène-nous une référence. Ensuite, déjà, si ce n'est pas dans Al-Bukhari et Muslim, on va vérifier l'authenticité de cette parole. Est-ce que c'est un hadith qui est sahih ou est-ce que c'est un hadith qui est da'if ou mawdou', hein? C'est pas n'importe quelle parole tu rapportes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Parce que souvent les soupirs, c'est ce qu'ils font. Ils rapportent quelque chose, ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est pas vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jamais dit. Et même s'ils ont un livre, soi-disant, où ils ont pris cette parole, quand on vérifie, on voit qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. On voit que le hadith lui-même, il est fabriqué. C'est un mensonge. Les savants de hadith ont déclaré cette parole comme étant fausse. Hein. Eux, ils ramènent des paroles comme ça. Hein. Un peu comme on tire des... comme les gens qui font de la magie, là, ils sortent des lapins dans leur chapeau, eux c'est comme ça, ils sortent les hadiths, hein, ils sortent les hadiths comme ça dans leurs manches, ils en amènent à volonté, sur mesure, hein, selon qu'est-ce qui plaît leur désir, ça n'a rien à voir avec l'islam ces hadiths-là. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que notre religion, elle est basée sur le Coran et sur la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut pas ramener rien, excepté qu'il faut ramener une preuve et une référence écrite, hein, et authentique pour la justifier. Surtout quand ça a rapport avec la pratique religieuse, et encore plus quand c'est au sujet de la aqida et de la croyance. Hein. Donc maintenant cet individu-là, il nous raconte des histoires que son cheikh, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il le voit dans des rêves ou des choses de ce genre. Est-ce que moi je peux rentrer dans ton cœur? Est-ce que je peux rentrer dans ton cœur, vérifier est-ce que tu mens ou est-ce que tu dis la vérité? Maintenant tu es en train de me dire une parole, et tu dis que tu l'as vu dans un rêve, ou que tu l'as entendu dans un rêve. Quand on vérifie dans le Coran, on voit que c'est en contradiction avec ce qui est dans le Coran. Quand on vérifie avec ce qui est dit dans les hadiths authentiques, on voit que c'est en contradiction avec ce qui est écrit dans les hadiths authentiques. Est-ce qu'on va prendre référence, est-ce qu'on va prendre pour référence ton rêve, ou est-ce qu'on va prendre comme référence ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna authentique? Hein? Bien entendu, on va prendre ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc, ça c'est pour nous faire comprendre que ces gens-là de bid'a, parmi les soufis, parmi les chiites et les autres, ils ont ouvert une porte pour l'innovation avec cette aqida ou avec cette croyance de prétendre que leur cheikh, il a une connaissance directe de l'islam. Il y en a qui pensent qu'ils voient Allah, hein. Il y en a qui disent qu'ils ont, ils parlent directement à Allah, que Allah leur parle directement, hein. Il y en a qui pensent qu'ils voient dans l'Lawh al-Mahfouz, la table préservée, là où Allah a écrit la destinée de tout ce qui est dans l'univers, jusqu'à la fin des temps. Ils disent, nous on monte dans, jusqu'au septième ciel, et on lit qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur, après on revient sur la terre, puis on sait qu'est-ce qui est dedans. Ensuite, il y en a d'autres qui prétendent que les anges viennent leur révéler des choses. Hein? Ils disent, non, il y a des anges qui viennent qui me disent des choses. Hein? Il y en a d'autres qui disent non, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est pas le prophète, mais c'est Khidr. Hein? Ils prétendent que Khidr qui vient. Donc, tout ça, c'est des voies et des chemins et des ruses que ces gens-là essaient d'utiliser pour sortir de la révélation de l'islam, pour sortir des textes du Coran et de la Sunna, et pour manipuler les gens. Et maintenant, quand tu vas remarquer dans ces pays-là où il y a qu'est-ce qu'on appelle as-soufiyya ou as-tasawwuf, c'est que les gens ont été éduqués sur le fait de prendre la parole de quelqu'un pour qu'est-ce qu'il est lui et non pas par rapport à la vérité. Dans le sens que pour ces gens-là, l'important c'est pas qu'est-ce qui est dit, mais c'est qui l'a dit. Donc, si toi tu viens et tu dis quelque chose qui est vrai dans le Coran et dans la Sunna, ils vont te demander qui tu es toi pour dire ça. Et si eux ils disent quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, mais que c'est pour eux sont des choses soufis reconnus et tout le monde les reconnaît pour leur prestige et leur importance dans la société, parce que leur grand-père ou leur arrière-grand-père c'était des imams et ils ont hérité de ça de père en fils soi-disant, donc ils vont l'accepter même si c'est quelque chose de faux. Et on va pas leur demander d'où est-ce que tu as trouvé cette parole, ou est-ce que c'est vrai, authentique, c'est quoi la référence, montre-moi le verset dans le Coran, montre-moi le hadith. Ils vont jamais poser cette question-là. Pourquoi? Parce que pour eux, du moment que c'est lui qui l'a dit, c'est vrai. Et l'islam, et le Coran, et la sunna, et les sahaba, et les imams de l'islam, et les salafs, ils nous ont tous enseigné le contraire de ça. Ils sont tous venus pour nous enseigner qu'on doit reconnaître les hommes par la vérité, et non la vérité par les hommes. On ne reconnaît pas la vérité par les hommes. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que ça devient vrai. C'est parce que c'est vrai qu'on reconnaît que cette personne-là est une personne qui dit la vérité. Donc, la référence, c'est le Coran et c'est la Sunna, et tout ce qui est en opposition avec ça, qui est rajouté, alors ça fait partie des innovations, hein, et donc on le rejette. Hein. Et si on laissait les gens commencer à se baser sur ce que ces gens-là prétendent, alors il n'y aurait plus d'islam aujourd'hui, hein, et il n'y aurait plus de religion du tout, puisque l'islam serait devenu quelque chose de complètement différent. Comme c'est le cas avec les religions des juifs et des chrétiens, qui changent leur religion à chaque 100 ans, à chaque 50 ans, ils font une nouvelle version où ils s'adaptent aux modifications que ces gens-là, que les gens dans la société veulent. Hein. Donc si les gens disent « nous on veut plus ça », donc eux ils se réunissent, ils disent « bon ok on va faire un vote, est-ce que maintenant on va changer ça ?»« Ok, on va changer ça. » Donc ils changent la religion. À chaque fois, à chaque 100 ans, 50 ans, 100 ans, ils font ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau pape, ils changent la religion. Hein? Donc c'est comme ça que leur religion est devenue maintenant une moquerie maintenant. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute qu'il y a un lien entre leur religion et la laïcité. Déjà à la base, leur religion est une religion qui fait une distinction entre les religieux et les non-religieux, les prêtres et les non-prêtres, les religieuses et les femmes qui ne sont pas religieuses. Ils font une distinction, par exemple, pour dire que certains doivent être religieux, d'autres ne sont pas obligés d'être religieux. Dans l'islam, il n'y a pas des gens qui disent « moi je suis religieux, moi je ne suis pas religieux ». En principe, tous les musulmans sont religieux, puisque tous les musulmans doivent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter du haram, faire ce qui est obligatoire, faire ce qui est recommandé, pratiquer la religion d'Allah, etc. Bien entendu, il y a des degrés entre les mu'minines, il y a les croyants, là, il y a les ulama, hein, ainsi de suite, mais à la base, quelqu'un ne peut pas dire « moi je suis un musulman mais je ne suis pas religieux ». Tout le monde est obligé d'être religieux. Et en même temps, il n'y a pas une catégorie qui va dire « moi je ne me marie pas parce que je suis religieux » ou « je ne vais pas, par exemple, avoir un travail dans la dunya parce que je suis religieux ». Non, tout le monde doit faire partie de la société en même temps, faire le travail qu'il doit faire en même temps. Non, c'est parce que le terme laïque qui était utilisé par les catholiques pour dire que ceux qui sont dans la religion, ils travaillent pour la religion, mais ils n'ont pas été, par exemple, ils n'ont pas pris un sacrement, ils n'ont pas pris comme par exemple, comme le prêtre, il a fait comme un genre de, en tout cas. Un baptême, mais ils font une sorte de cérémonie là pour le faire devenir prêtre, hein, ordonné ou je sais pas quoi. Les autres sont des laïcs, ce ne sont pas des prêtres, mais ils travaillent pour la religion, ils travaillent dans la religion, c'est comme ça qu'ils les appelaient, les laïcs. Hein? Donc, c'était une autre signification du mot laïc, parce que le mot laïc, tel qu'il est utilisé par les laïcs aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même signification que ça. Maintenant, ça a été utilisé dans le sens de distinguer complètement entre la religion et la vie de la dunya, yani, qu'est-ce qui a rapport avec la politique et le reste. Donc, le cheikh, il dit, pour terminer ce point, l'explication de ce hadith de Aïcha radiallahu anha, il dit, donc, toutes les innovations, elles ne font pas partie de l'islam. Et même si les gens qui les pratiquent prétendent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, prétendent qu'il y a une récompense dans ce qu'ils font, hein, en réalité, elles ne rapprochent pas d'Allah et il n'y a aucune récompense dans ce qu'ils font non plus. En réalité, elles les éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces innovations-là qu'ils pratiquent, elles ne les rapprochent pas d'Allah, au contraire, elles les éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال أو قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقلنا ليس حديث لا تتعالى لشيخ الزي هذا سأسي الحديث de Abu Huraira qui dit toute ma umma sera entre au paradis excepté celui qui refuse. On demanda au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui va refuser au messager d'Allah, il a dit celui qui m'obéit il rentrera au paradis et celui qui me désobéit il a refusé d'entrer au paradis. Donc le cheikh explique ce hadith, il dit وهذا فيه الحث على الدخول في الإسلام فالذي يريد الجنة يدخل في الإسلام والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام بأن يتبع المذاهب الأخرى والأديان الأخرى ومآله إلى النار فليس للجنة طريق إلا الإسلام الذي جاء به هذا الرسول. Le cheikh il dit que il y a dans ce hadith là un appel, une incitation à rentrer dans l'islam. Celui qui veut aller au paradis qu'il entre dans l'islam. Et celui qui ne veut pas entrer au paradis, alors il n'entre pas dans l'islam. Hein? Donc, s'il veut pas rentrer au paradis, il va suivre les autres religions, les autres voies. Hein? Et sa destination sera l'enfer. Mais celui qui veut réellement le paradis, il n'y a qu'un seul chemin pour y aller. Et c'est l'islam. C'est l'islam qui a été ramené par ce messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça réfute toutes les idées de ceux qui aujourd'hui prétendent que toutes les religions ils disent aujourd'hui, ça c'est devenu une parole même à la mode aujourd'hui, quand quelqu'un justement il veut montrer qu'il est ouvert, hein, c'est ça la mentalité, l'idée que les gens ont aujourd'hui, il faut être ouvert, il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas être borné sur sa position soi-disant, et ils disent quoi? Ils disent, yani, il ne faut pas dire qu'il y a une seule voie qui est vraie, une seule religion qui est vraie, un seul chemin pour aller à Dieu. Ils disent, toutes les religions se complètent, hein, toutes les religions mènent au même point, au même but, hein, au même Dieu. Hein, c'est ça ce qu'ils prétendent aujourd'hui. Donc, ils disent, peu importe que tu sois bouddhiste, hindou, chrétien, juif, hein? Peu importe ta religion, l'important, toi tu adores Dieu, tu pries Dieu. Mais ça c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ces gens-là ils ne prient pas Dieu. Premièrement, ils ne prient pas Dieu. Ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait le shirk avec Allah, il ne prie pas Dieu. Les chrétiens, est-ce qu'ils prient Dieu? Ils prient Jésus. Déjà, Jésus c'est un être humain. Donc comment tu peux prétendre qu'il prie Dieu? Hein? Et il prie, qui d'autre encore? Prie Marie, prie les saints, esprits, les statues, les images, les croix. Tout ça sont des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah. Comment toi tu dis qu'ils prient tous le même Dieu? Hein? S'ils priaient réellement Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait pas de problème. Hein? S'ils acceptent la foi en le messager d'Allah et en le Coran, ils deviennent musulmans. Mais le problème c'est qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et de même que les hindous, ils adorent des milliers de dieux, autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah. Hein? Ils prennent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Donc ça c'est du shirk aussi. Et les bouddhistes c'est la même chose. Hein? Ils font du shirk avec Allah. Ils se prosternent devant des idoles et des statues. Hein? Ou bien sinon ils rejettent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, tout ça, ça fait partie du shirk et du kufr. Donc, toutes ces voies-là n'amènent pas à Allah, c'est faux de prétendre ça, de prétendre. Mais les gens, ils sont éduqués de cette mentalité-là, et on leur a pas expliqué, ils n'ont pas essayé non plus de chercher qu'est-ce que c'est ces croyances-là, qu'est-ce que c'est ces religions-là, qu'est-ce qu'elles ont de divergence entre les unes entre les autres, et qu'est-ce qu'elles ont comme contradiction. Donc, du moment qu'ils ne savent pas comment, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de moyen justement de distinguer entre les unes et les autres, ils s'imaginent à la fin qu'elles sont toutes pareilles, elles sont toutes équivalentes et qu'elles se valent toutes les unes les autres et qu'elles mènent toutes au même Dieu, hein, mais par des chemins différents. Et donc, nous, comme le Cheikh dit ici, non, il n'y a qu'un seul chemin vers le paradis et c'est l'islam. Tout autre chemin que l'islam, il ne mènera nulle part ailleurs qu'en enfer. Donc ça c'est un point qui est très important de le comprendre. Et pour les koufars, ça c'est du fanatisme. Pour les koufars, ça c'est de l'extrémisme. C'est d'être fermé, de ne pas être ouvert d'esprit. Hein. Mais ce qu'ils disent quand ils disent ça, c'est basé sur leur ignorance. Parce que s'ils savaient ce qu'on fait nous, et s'ils savaient ce qu'Allah a révélé, et s'ils savaient avec certitude, qu'est-ce que Allah a clarifié et qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, il serait de la même opinion que nous. Hein? Mais parfois c'est justement les passions qui les ont aveuglés, et des fois aussi c'est parce que ils veulent pas débattre, ils veulent pas justement qu'on leur montre la fausseté de ce qu'ils croient, la fausseté de leurs opinions et de leurs croyances. Donc pour éviter le débat, ils essaient de s'enfuir en disant des paroles de généralisation de cette façon. Comme ça, quand ils terminent, quand ils s'en vont, eux, ils se disent, tout le monde est content. Hein? Tout le monde est content maintenant parce qu'on n'a pas froissé personne, on n'a pas critiqué personne, on n'a pas discrédité personne. Tout le monde est sur la vérité. Tout le monde suit son chemin vers Dieu, peu importe la manière qui lui plaît. Hein? Et parmi les gens de Bid'a, il y en a qui disent la même chose. Et justement, quand on avait ce débat avec ce soufi, avant de rentrer dans la critique de sa tariqa à lui, on parlait du soufi en général. Et lui-même, il rentrait dans la discussion en disant, oui c'est vrai, dans les pays africains, hein, au Sénégal ou ailleurs, il y a des marabouts, ils volent l'argent des gens, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Ils critiquaient plusieurs manifestations de ce que certains soufis pratiquent, hein, là-bas. Là, il était d'accord avec nous. Mais quand on a commencé à cibler sa tariqa à lui, là, tout d'un coup, tout s'est renversé maintenant. Il commençait à les défendre, il commençait à dire non, il ne faut pas dire ça, etc., etc. J'ai dit, si vous prétendez que vous êtes toutes, hein, j'ai dit, comment ça se fait que vous prétendez que votre tariqa, c'est la seule tariqa qui a un lien direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que votre cheikh, le fondateur de votre tariqa, Ahmed Tijan, il a dit que si quelqu'un rentre dans votre tariqa, il doit se couper les liens, il doit couper les liens avec tous les autres chouyoukhs de toute autre tariqa, vivant ou mort. Il m'a dit, oui, c'est normal, parce que notre cheikh, si tu rentres dans notre tariqa, notre cheikh, il a un lien direct. C'est comme si tu avais un corde direct entre toi et le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu n'as plus besoin des autres. Mais j'ai dit, toutes les tourouks, elles prétendent ça. Il dit, non, mais de toute façon, il n'y a pas de contradiction. Toutes ces tourouks sont des chemins qui amènent vers la même porte, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, ça c'est un mensonge. J'ai dit, la preuve, tu viens de te contredire. Tu m'as dit que c'est ton shirk qui est le seul qui mène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tu es en train de me dire que toutes les différentes turcs soufis amènent au même objectif. C'est des mensonges, que ces gens-là disent. Mais en même temps, c'est pour dire qu'eux aussi, ils prétendent, comme les koufars prétendent des fois que toutes les chemins ou toutes les voies sont bonnes pour arriver à Dieu. Et c'est pour ça que même, tu vois, dans certaines turcs soufis, ils vont adorer, ils vont faire leur bid'a et leur shirk, ils vont aller dans les temples hindous, rencontrer des gourous et des choses de ce genre, et faire des échanges avec eux. Ils vont faire des adorations dans les temples bouddhistes, ils vont faire des adorations dans les églises avec les chrétiens, avec les juifs même. Et, juste comme par exemple le groupe des Naqshbandiyya, sur j'ai oublié la rue là, mais le centre des Naqshbandiyya à Montréal, sur Fairmount, c'est ça qu'ils font. Et tu les vois dans un truc là, ils ont mis ça sur YouTube, en tout cas Dailymotion ou YouTube. Tu les vois en train de faire leur danse là, ils tournent en rond, les hommes et les femmes ensemble. Dans le coin il y a un sapin de Noël. Dans l'autre coin, il y a un bouddhiste qui est en train de faire la méditation. Donc tu dis, mais c'est quoi ça, Donc c'est pour dire, ils font des spectacles comme ça, ils s'en vont tourner en rond devant les gens, et ils se mélangent avec tout le monde. On a vu même des magazines qu'ils avaient fait. Dans les magazines qu'ils ont publiés, tu les vois avec les gourous des hindous, avec des prêtres, des rabbins et tout. Ils se mélangent avec tout le monde. Et ils disent, toutes les religions sont bonnes. Comme un de leurs chers, qui s'appelait Ibn Arabi al-Ta'i, un des soufis les plus égarés qui appelait à Wahdatul Wujud. Qu'est-ce qu'il disait dans ses livres? Il dit que toutes les religions, il faut qu'on en fasse une seule avec. On mélange toutes les religions pour faire une seule. Aujourd'hui, il y a cette da'wa, aujourd'hui. Et parmi les gens de Bid'a, ils disent la même chose aujourd'hui, maintenant. Ils appellent à des rapprochements avec les autres religions, les autres sectes, ainsi de suite. Donc tout ça c'est des égarements. Il n'y a pas de voie qui mène à Allah excepté l'islam, et il n'y a pas de chemin vers le paradis excepté l'islam. Ça c'est obligatoire à un musulman de l'accepter. S'il ne l'accepte pas, il n'a pas accepté l'islam. Parce que c'est Allah qui le dit. On l'a dit dans les premiers versets qu'on a mentionné, c'était quoi? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion pour Allah, c'est l'islam. Donc, il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre religion à suivre que l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit, ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، ولكن عليه أن يصبر، وخصوصا في آخر الزمان إذا كثرت الفتن، فالمتمسك بالدين يكون كالقابض أو يكون كالقابض على الجمر. لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى. أما البدع فليس فيها تعب، لأنها توافق الأهواء والشهوات، ولأن الناس لا يعترضون عليه، وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذ، وليس الشيطان يزين له هذا الشيء، ولكن مآلها إلى النار. ويلزي وليس الشيطان لأن الشيطان يزين له هذا الشيء ولكن مآلها إلى النار. الشيخ يقول on sait très bien que la personne qui s'accroche à l'islam, il va trouver dans le fait de s'accrocher à l'islam beaucoup de difficultés et beaucoup d'offenses. Les gens vont lui faire toutes sortes de problèmes et difficultés. Et donc, il doit faire preuve de patience et d'endurance. Et en particulier vers la fin des temps, lorsqu'il y aura beaucoup de tribulations et de problèmes, de fitanes, de tentations et d'épreuves. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que à ce moment-là, celui qui va s'accrocher et qui va pratiquer l'islam, il sera comme celui qui est en train de fermer sa main sur un charbon qui est en train de brûler, un charbon ardent rouge. Qu'al-qabid ala jamra. Donc, quand tu fermes ta main sur un charbon qui brûle, la seule chose que tu as envie de faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir ta main pour le laisser tomber. Pour que la brûlure cesse. Et quand tu es en train de fermer ton poing sur ce morceau de charbon qui brûle, et tu vois la fumée qui sort avec l'odeur de chair qui brûle, qui est en train de souffrir avec cette douleur-là, eh bien c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous donner dans ce hadith. Il nous dit que quand tu vas t'accrocher à ton islam, c'est comparable à ça, c'est comparable à cette douleur que tu vas ressentir, à cette difficulté. La seule chose que tu as envie de faire, c'est d'ouvrir ta main pour lâcher cette chose-là qui est en train de te faire du mal, de te brûler. Mais ça nous montre la grandeur de la récompense de la personne qui, vers la fin des temps, va rester, malgré toutes les difficultés, accroché fermement à sa religion. Donc, il y a, dans le fait de s'accrocher à l'islam, dans ce moment-là, beaucoup de difficultés. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, à notre époque. La personne qui veut vraiment être un vrai musulman, et la personne qui prend la religion à la légère et qui dit bon, la religion c'est on en prend puis on en laisse, on va pas faire un big deal avec ça, on pratique comme ça, relax. Bon, pour ces gens-là, c'est pas compliqué, comme ça à la légère, c'est pas important. Bah le hijab, on va pas le mettre, mais on va mettre juste une petite affaire. La barbe, bon, c'est pas important. Les vêtements, on s'habille n'importe comment, comme tout le monde. Des fois, tu vois des gens qui sortent de la mosquée, hier, c'est le fin du mois, tu vois des gens qui sortent de la mosquée, on dirait qu'ils sortent d'une discothèque. Tu sais pas si c'est c'est vrai. Subhanallah. La coupe des Indiens, là, Iroquois, là, qui rasent les deux côtés, là, ils laissent juste une ligne au milieu, là, avec les chaussures comme la mode des koufas. Oui, comme vous dites. Il y en a ici qui les appellent toutes sortes de noms, là, mais la mode des punks, là, c'est ça qu'ils font maintenant. Il y a des jeunes musulmans qui suivent cette mode-là. Mais ça, c'est pas correct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui comprennent pas que être musulman, c'est pas juste faire la prière à la mosquée, tu sors, puis après tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Être un musulman, ça veut dire que dans tous les aspects de ta vie, dans tous les moments de ta vie, partout où tu es, tu dois respecter et suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les exemples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ta façon d'être, dans ton apparence, dans ta façon de parler, dans tout le reste. Et donc tu peux pas faire un amalgame entre la mode des koufars et les exemples que les koufars suivent dans leur apparence et de vivre par la suite, de dire je suis musulman, je vais prier à la mosquée. Tu vas prier à la mosquée, c'est bien, continue. Alhamdoulilah, c'est ça ce qu'il faut. Mais en même temps, corrige les autres petits détails qui sont pas corrects. Donc, par exemple, celui qui laisse les cheveux comme un punk ou des choses comme ça, ou qui porte des vêtements qui montrent ses formes, qui montrent son corps, il prie avec ça à la mosquée. Tu le vois, il vient prier à la mosquée avec ses jeans. Quand il fait sujoud, on voit tous les détails de sa aura. Ça, c'est déjà là, il y a des ulama qui disent ça, c'est dangereux que sa prière, peut-être sa prière va même pas être acceptée, celui-là. Des fois, tu vois comme le frère dit, des fois, tu vois le dos, et des fois, tu vois pas le dos, tu vois le derrière de la personne qui sort, alors qu'il est en train de se prosterner, ou qu'il est en train de faire le sujoud. Ça, c'est des choses qui font que la prière de quelqu'un va même pas être acceptée. Donc ça c'est des exemples comment des gens des fois ils ne font même pas attention à ces choses-là. Donc c'est pour dire que Il faut être ferme. Il faut s'accrocher à cette religion-là très solidement, malgré les difficultés. Surtout avec toutes les pressions maintenant qu'on vit dans un pays non musulman et que les pressions qu'ils mentionnent, tout ce qu'ils font comme difficulté pour les musulmans dans les médias, hein, toutes ces choses-là, quelqu'un des fois il dit « Ah ben, si tu veux travailler ici, t'as pas le choix, si tu veux faire ça ici, t'as pas le choix. Hein. » Et à la fin, tu termines, t'as plus de religion. Il y a des femmes, des hommes de famille, des pères de famille, des mères de famille, elles voient leurs enfants qui s'égarent, elles ne peuvent rien faire, elles ne savent même plus quoi faire. Je ne sais pas comment je vais faire pour les protéger parce que je n'ai pas vraiment de moyens pour les empêcher de s'égarer. Donc c'est la situation qui se passe maintenant. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les voies de la bid'ah, il n'y a aucune difficulté dedans. Quand les gens veulent suivre la bid'ah, veulent suivre leur passion, c'est facile, complètement facile. Pourquoi? Parce que dans la bid'ah, il y a le fait que c'est en accord avec tes désirs et tes passions dedans. Il n'y a personne qui va s'opposer à toi. Et ça, vous le voyez, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mais ça, vous le voyez dans les exemples des hizbiyyin et des gens de bid'ah. Tout ce qui a de difficultés par rapport à le fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, tu vois que eux, ils le rejettent du revers de la main comme si c'était un moustique qui les dérangeait comme ça, hein, pour l'envoyer plus loin. C'est comme ça qu'ils font. Donc, les questions de, par exemple, s'accrocher à la Sunna, de pratiquer l'islam, hein, de pratiquer le hijab, de s'éloigner du haram, toutes ces choses-là, c'est un détail pour eux. Si tu veux le faire, tu vois que tu veux écouter de la musique, c'est pas haram. Tu veux raser ta barbe, c'est pas haram. Tu veux aller faire ci, c'est pas haram. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en contradiction avec leurs désirs et leurs passions, dans le Coran et dans la Sunna, ils passent leurs passions et leurs désirs en avant et ils rejettent l'interdiction. Ils repoussent l'interdiction et ils le rendent halal. Hein, le riba, c'est haram, ils disent non, c'est permis. Hein, tu veux vivre chez les koufars, on te dit fais la hijra, non, t'as pas besoin de faire de la hijra, reste chez les koufars. Il y en a qui même parmi eux qui disent c'est ici qu'il y a l'islam, dans les pays musulmans il n'y a pas d'islam. Hein, donc il y en a comme ça. Par exemple, les questions de hijab, la femme peut juste mettre un petit foulard. L'important c'est qu'elle soit modeste, selon la définition de la modestie dans la société où elle vit. Donc si tu vis au Canada ici, les koufars, ils ont une notion de modestie, tu t'habilles comme ça. A'oudhou billah. Ils déforment la charia, hein. Ils déforment la réalité de l'islam. Hein. Et donc, quoi d'autre encore, hein. Plein d'exemples comme ça. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que pour eux, il n'y a pas de difficulté. La religion, c'est quoi? Tu t'assois, tu chantes, tu danses, tu vas prier, ils chantent à la mosquée, ils dansent, les soufis, des choses comme ça. Hein, c'est pas compliqué. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, personne ne s'oppose à eux. C'est vrai, en général, tu vois peu de gens qui s'opposent aux gens de bid'ah quand ils veulent faire des choses. Qui sont ceux qui s'opposent aux gens de bid'ah? C'est les gens de la sunna. Et les gens de la sunna sont une minorité. Alors qui sont ceux qui s'opposent à eux? Très peu de gens. La majorité des gens sont d'accord avec eux. Hein. Et ils appellent à l'ouverture, hein, au fait de s'unir avec les koufars, de faire des rapprochements avec eux, hein, des choses comme ça, l'ouverture, hein, le pluralisme, hein, toutes ces choses-là. Donc quand les gens entendent ça, ils disent « Ah ben, ça c'est des gens ouverts, on est d'accord avec ça, même les koufars sont d'accord avec ça. » Hein, comme la règle de Hassan al-Banna qui dit, on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis si on est en désaccord sur des choses, on s'excuse, on passe par-dessus, puis on met ça de côté. Donc ça veut dire que pas de difficulté dans cette voie-là. Ça, c'est la voie des gens de bid'ah. Hein? Pas de difficulté, pas de s'accrocher à un charbon brûlant, parce que tout est plaisir pour eux. Pas de fatigue, pas de difficulté. Parce que le shaitan leur a embelli ça, mais leur destination, c'est l'enfer. Le shaykh il dit, leur destination, c'est l'enfer. Le shaykh il dit ensuite, hein, bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. parce que la suite c'est un peu long, puis on est déjà arrivé à on a déjà fait un bon bout de ce qu'on voulait faire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera le reste demain. Il reste quand même plusieurs hadiths à expliquer. Donc on fera la suite demain, bi'iznillah. Donc on va s'arrêter. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.